On va juste parler, je voudrais juste parler quelques instants maintenant et de plus en détail sur la raison d'être de Noël. Qu'est-ce qu'on fête à Noël? Et tout mon message va être basé sur juste ce texte-là. Parce que vous savez, on a l'image que tu as, l'image que nous avons de Jésus aujourd'hui, elle est souvent une image qui est fausse ou en tout cas qui est incomplète. C'est une image. Notre opinion de Jésus, elle est souvent basée sur notre éducation et les expériences, souvent les mauvaises expériences de la vie que nous avons vécues. Soit nous, soit je sais plus qui c'est qui a dit ça, c'est quelqu'un de célèbre qui a dit, très connu, qui a dit, mais s'il n'y avait pas les chrétiens, moi je serais chrétien. C'est-à-dire que, vous voyez, beaucoup de gens souvent ne sont pas chrétiens parce qu'ils sont déçus par l'Église, parce qu'elle fait, parce qu'elle dit, etc. Mais ils ne sont pas déçus par Dieu. D'autres peuvent être déçus aussi parfois par Dieu. Mais c'est souvent des expériences, c'est pas Dieu qui les a déçus, mais c'est les expériences de leur vie qui les ont déçus. Souvent donc notre opinion de Jésus, l'opinion que nous avons à l'égard de Jésus, elle est basée sur notre éducation et elle est basée aussi sur nos mauvaises expériences de la vie. Imaginez que ceux qui ne me connaissent pas, imaginez qu'on vous dit, ben, ce matin, on va rencontrer un pasteur, il s'appelle Grégory Reyes, il est très dangereux, très méchant, très violent. Par moment, il a des problèmes psychiatriques et par moment, il met des coups de poing, il met des gifles à tout le monde. Alors, faites attention. Et vous arrivez ici et je fais bonjour, je suis le pasteur Greg. Vous êtes là, vous êtes à distance avec moi. Vous dites, oh, le gars je sais pas, qui crache, qui met des gifles, qui met des coups de poing, le gars un peu fou là. Et du coup, vous allez avoir une méfiance à mon égard. Et vous allez, pourquoi? Parce qu'on vous a dit des choses sur moi. Mais après, vous allez me voir au bout d'une heure, dire, mais non, finalement, il n'a pas craché, il n'a pas encore mis de coup de poing, ni de gifle à personne. Hey, ce que je pensais de Greg était faux. Et ce qui vous a conduit à avoir une nouvelle image de moi, c'est de m'écouter, de me découvrir, de me rencontrer, de discuter avec moi. C'est la même chose avec Jésus. Vous savez, avec Jésus, on a une opinion de Jésus qui est basée sur ce que les gens nous disent et pas forcément sur ce que lui a dit. De lui. Donc beaucoup beaucoup parlent de Jésus et ont un avis sur lui, mais qu'a-t-il dit de lui? C'est intéressant de dire lui, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Et vous pouvez lire avec moi Jean 14, verset 6, où Jésus lui-même dit, je suis quoi? Tu es quoi, Jésus? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quatre choses ici. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et quatrièmement, nul ne vient au Père que par moi. Premièrement, j'aimerais m'arrêter sur cette première déclaration. Jésus qui dit, je suis le chemin. Souvent, vous savez, on se pose des questions tout au long, alors pas tous les jours, mais de temps en temps, on se dit, hey, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur terre? D'où je viens? Où je vais? Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais mourir? Parce qu'on va tous mourir. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ma vie, votre vie, ta vie, est-ce qu'elle a un sens, un but? Ça, c'est des questions importantes qu'on doit se poser régulièrement. Sinon, la vie tourne, on est au boulot, métro, boulot, dodo, comme on dit. Je dis, mais est-ce que ma vie, est-ce que je ne suis pas en train de passer, les années passent là, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté du but de ma vie? C'est pour ça que Jésus dit, hey, je suis le chemin. Je vais t'amener. Non pas à l'église, je vais t'amener au but de ta vie. Il est venu dans le monde pour ça, pas pour créer une religion. C'est les hommes qui ont créé une religion. Mais lui a dit, non, non, moi je suis un chemin. Le but, c'est de te recentrer sur ta vie. Vous savez, la question principale qu'on doit se poser ce matin, c'est pas de dire, est-ce que Dieu existe? Et qu'est-ce qui se passe après la mort? La vraie question à se poser, c'est Coluche. Coluche, vous savez, le comique, il posait cette question, il disait, mais y a-t-il une vie avant la mort? Nous, on se pose la question, on dit, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais hey, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Il y a des gens, ils sont sur terre, ils respirent, ils mangent, ils dorment, mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas une vie riche. La question du christianisme, c'est une question qui est, c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de ma vie? Et moi, vous savez, moi, je me suis posé cette question pendant des années. Vous savez, on ne naît pas chrétien, on le devient. Alors, je n'étais pas du tout, j'étais encore moins pasteur, hein. J'étais pas du tout dans ces trucs-là, moi. Hein. Et moi, il y avait trois choses. Je savais pas où j'allais, je ne savais pas quel était le but de ma vie. Première chose, j'étais mal dans ma peau et j'étais complexé. J'étais quelqu'un de très complexé, très mal dans sa peau, très mal avec les autres, pas heureux, une grosse insatisfaction chronique dans mon cœur. Et comme Woody Allen, vous savez, c'est Woody Allen qui disait ça, et ça me ressemblait. Woody Allen, il disait, Dieu est mort, Freud est mort, Marx est mort, et moi-même, je me sens pas très bien. Vous voyez? Eh bien, c'était un peu moi. Vous voyez? Je dis, mais il y avait rien qui élevait mon âme, et il n'y avait rien qui me donnait de l'espoir, ou de l'assurance, ou de l'espérance. J'étais plutôt mal dans ma peau. Deuxième chose, c'est que j'avais un désintérêt pour Dieu. Moi, ça m'a jamais intéressé, Dieu. Pourquoi? Parce que je me disais, comment quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, à des milliers de kilomètres de Toulouse, que j'habitais Toulouse, peut avoir un impact dans ma vie. Ça s'est passé il y a 2000 ans, ça s'est passé en Israël, ben c'est pour les Juifs, et puis c'était il y a 2000 ans. Je voyais pas un truc qui s'est passé il y a 2000 ans, à des milliers de kilomètres, mais quel intérêt pour moi? Donc j'avais pas un grand intérêt pour Dieu non plus. Et enfin, j'avais une frustration. J'étais très frustré, vous savez, parce que à chaque fois que je me disais, allez, le bonheur, c'est quand je vais pouvoir sortir en boîte. Et vous sortez en boîte de nuit, vous dites, ah ouais, bon, bah c'est. Ok, bon. Ben non, mais l'étape suivante, toujours, vous savez, l'étape suivante. Et on arrive à l'étape suivante, on dit, ah oh, mince, le bonheur, c'est quand j'aurai mon permis de conduire. Le bonheur, c'est quand j'aurai une petite copine. Le bonheur, c'est quand j'aurai de l'argent, ma première paye. Et toutes ces choses, on passe, vous voyez, on dit, ça sera le bonheur. Et quand on l'a, on dit, et on n'est pas heureux. Il y a toujours un vide au fond de nous, dit mince, et c'est ce que j'avais, la frustration. Et ma rencontre avec Jésus, vous savez, quand il dit je suis le chemin, ma rencontre avec Jésus, c'est comme si j'avais été remis sur le chemin. Vous savez, quand on est paumé, première chose, quand on va sur le chemin, la première chose, quand on revient sur le bon chemin, la première chose qu'on a en nous, c'est la sécurité. C'est quand vous êtes perdu. Moi, je me souviens de l'époque où il n'y avait pas de GPS. Et moi, je faisais de la livraison, la galère. Les plans, et puis vous savez pas où vous êtes. Quand on est à Paris, dans Paris, on rentrait dans les bars. Monsieur, tous les bars, parce que dans les bars, ils avaient les fameux plans, là. C'était la galère de trouver son chemin. Et c'était quand vous voyez l'heure qui tourne, vous allez arriver en retard, que vous allez louper la vente. Et quand on est perdu, une fois, je me suis perdu avec une voiture qui allait tomber en panne. J'étais aux États-Unis, dans l'Utah. L'Utah, c'est pire que la Lozère. C'est-à-dire que vous faites. C'est des routes droites sur. 80, 100 km, c'est droit. Et puis de temps en temps, vous avez des ours, vous avez des cerfs sur la route. Enfin, vous voyez, je dis, si j'en tape un, dans le noir, puis la voiture qui fait bop, bop, bop, je dis, si jamais je tombe en panne, pas de téléphone, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, quand on n'est pas sur le bon chemin, et qu'on cherche notre chemin, on est inquiet. Et quand on retrouve et on voit la bonne direction, on a le panneau, on sait qu'on est. Ah! Parce que là-bas, dans l'Utah, des fois, les routes, il n'y a même pas de goudron, hein, c'est de la terre. Quand vous retrouvez un petit peu de goudron, on dit, ah, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. La première chose que Jésus a restaurée dans ma vie et qu'il veut restaurer dans ma vie, c'est la sécurité. Parce qu'on est inquiet tant qu'on n'a pas trouvé sa route, tant qu'on n'a pas trouvé sa destinée et le but de sa vie, on est inquiet. La deuxième chose, c'est que ça, Jésus qui dit qu'il est le chemin, la chose qu'il a fait dans ma vie, c'est qu'il m'a donné des réponses. Vous savez que quand on est sur le bon chemin, il y a des panneaux qui vous disent droite, gauche. Parce qu'un chemin, être sur son chemin, c'est pas forcément aller tout droit. Hein. Des fois, il faut tourner, etc. Et un autre avantage que j'ai trouvé en Jésus, c'est que Jésus donne des réponses. Par exemple, le pardon. Je connaissais le pardon, mais ça ne m'intéressait pas de pardonner quelqu'un qui m'avait trahi, qui m'avait fait du mal. Mais en fait, j'ai découvert sur ce chemin que le pardon, quand on pardonne, ce que j'ai appris, c'est pas pour moi. C'est pas le pardon ne concerne pas la personne que je pardonne. Le pardon a des conséquences dans ma vie. C'est pour moi le pardon. C'est lorsque je pardonne, c'est pas pour l'autre que je le fais, mais c'est pour moi. Ça, c'est des choses que je savais pas dans la vie, mais que j'ai apprises parce que sur ce chemin qu'est Jésus. Et là, l'autre chose que Jésus a restaurée dans ma vie, c'est qu'il m'a donné de vrais amis. Vous savez, quand on est sur le chemin, il y a d'autres automobilistes. Vous voyez, on n'est pas seul. Hein? Et quand on est sur le bon chemin, Dieu nous donne aussi de bons et de vrais amis, des personnes qui vous aiment de manière inconditionnelle et pas par intérêt. Moi, mes amis, maintenant, depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai été régulier sur le bon chemin quand j'avais 18 ans, j'en ai 46 aujourd'hui, et depuis, j'ai les mêmes amis que je compte sur une main. Hein. On a beaucoup de connaissances. Vous savez, dans la vie relationnelle, on peut la. Elle se divise en trois parties. Vous avez les connaissances, vous avez les amis et vous avez le cercle des intimes. Jésus, il avait les 12. Parmi les 12, il avait Pierre, Jacques et Jean, avec qui il avait. Souvent, il avait qu'eux pour aller prier, pour aller ressusciter la petite de Jaïrus. Et puis, le cercle des intimes, c'était Jean. Il avait vraiment une relation très intime ici avec Jean. Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, mais je suis la vérité. Vous savez, parfois, j'entends des gens qui disent, mais peu importe ce qu'on croit, ce qui est important, c'est d'être sincère. Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on peut se tromper en toute sincérité. L'important, c'est d'être sincère. Oui, mais tu peux être sincère et te tromper. Regardez Hitler. Hitler, il était sincère. Il croyait vraiment dur comme fer qu'il avait raison de faire ça. Et pour autant, regardez les dégâts que ces croyances, ces fausses croyances affreuses que cet homme a eues, ça a coûté la vie à des millions de gens. Donc c'est un cas extrême là que je prends, c'est vrai, mais ça montre que ce que nous croyons, ce que tu crois, ce que nous croyons est de première importance, car c'est ce que nous croyons qui dicte notre conduite. Donc tu peux croire des choses, mais qui sont fausses. Ce qu'on croit, c'est ce qui dicte nos croyances. Et une autre chose que j'entends souvent concernant la vérité, c'est que les gens qui disent, mais si la foi à toi, si à toi ça te fait du bien, la foi en Jésus, ben c'est très bien. Mais moi, ça ne me concerne pas. Et là aussi, je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas logique. Si quelque chose est vrai, c'est vrai pour tout le monde. Vous voyez? Si quelque chose est faux, ben c'est faux pour tout le monde. Donc c'est parce que c'est pas c'est pour cela qu'on doit se poser la question, hey, la foi en Jésus, si c'était vrai, parce que Jésus dit je suis la vérité, il nous faut trancher, est-ce que je crois que c'est la vérité ou pas? Soit le christianisme c'est faux et ça a aucune importance, ou bien c'est vrai et c'est infiniment important pour ta vie. Pour ton futur. Ça peut pas être moyennement important. Soit c'est important, ou soit ça l'est pas du tout. C'est la vérité. C'est pas la vérité, c'est faux. Mais ça, cette question, tu dois te la poser. Est-ce que je vais aujourd'hui connaître Jésus comme le chemin et la vérité? Vous savez, lorsque Jésus dit je suis la vérité, c'est plus qu'une vérité intellectuelle, hein. C'est dans la pensée biblique, c'est une vérité. La vérité, c'est par l'expérience. On expérimente la vérité. Il y a une différence entre la connaissance d'ordre intellectuel et une expérience personnelle. Il y a une différence entre la tête, croire avec la tête et croire avec le cœur. Imaginez par exemple que je ne connais pas Katia et que je vais à la librairie et que je tombe sur un bouquin qui dit Katia, une femme formidable. Alors je dis, ah tiens, je suis chez Sorams et je lis les chapitres. Chapitre 1, une cuisinière hors pair. Chapitre 2, moi j'aime tes plats, j'aime ta ratatouille, tes lasagnes. Chapitre 2, une femme généreuse. Une maman hors pair. Je dis, wow, c'est super. Et je lis, vous voyez, et j'apprends des choses sur Katia. Je dis, ah mais elle est merveilleuse cette fille, mais je la connais pas. Ça, c'est une connaissance intellectuelle. Moi, aujourd'hui, si je vous dis que Katia est une femme merveilleuse, c'est parce que ça fait 24 ans que je suis avec elle. C'est pas parce que je l'ai lue, parce qu'on me l'a dit, qu'on essaie de me convaincre, mais si, tu sais, elle est vraiment merveilleuse. C'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une expérience. Ça fait 24 ans qu'on est ensemble, et je la connais. Et quand Jésus dit « Je suis la vérité », il vous demande pas juste d'y croire de manière intellectuelle, mais d'expérimenter, de dire « Hey !» Si je dis aujourd'hui que Jésus est la vérité, c'est pas parce que pour faire plaisir à mon ami ou parce que de manière intellectuelle je crois que le christianisme c'est vrai, mais si je dis que Jésus est la vérité, c'est parce que je suis en relation avec lui. Et c'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance spirituelle. Et enfin, il dit ici, je suis la vérité, je suis le chemin, pardon, la vérité et la vie. La vie avec Dieu, la vie chrétienne, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de qui donne de l'enthousiasme, de la joie. Jésus, il amène. Le but de sa vie, de sa venue sur terre, c'est de venir nous libérer. Vous savez, il faut il est venu nous libérer du mal. Il faut distinguer le mal et les erreurs. C'est pas pareil. Les erreurs, tout le monde en commet. Moi, je continue, je suis chrétien, je suis pasteur et je continue à faire des erreurs, mais des grosses erreurs. Il y a une différence entre le mal et les erreurs. On commet tous des erreurs. Mais le mal, c'est quoi? C'est une force intérieure qui nous pousse à faire des mauvais choix à l'égard de Dieu, à l'égard de nous-mêmes et à l'égard des autres. C'est une force qui est en nous et on fait le contraire de ce qu'il devrait faire, de ce qu'on devrait faire. C'est une force. Le mal, c'est quelque chose qui va nous conduire qui va polluer notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. Et c'est de ce mal-là que Jésus est venu nous libérer. L'évangile, vous savez, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc c'est le sens mot, le sens du mot même évangile, c'est bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu, il vous aime. Et il vous aime tellement qu'il a donné son Fils pour qu'il meure à votre place, pour qu'il paye à votre place. Même s'il n'y aurait eu que toi, il aurait envoyé son Fils. Certes, il l'a envoyé pour l'humanité, mais même si Dieu t'aime tellement que même si il n'y aurait eu que toi, il l'aurait envoyé pour toi. Parce que c'est une réalité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu n'est pas fâché contre nous. Dieu ne veut pas nous formater. Dieu est un Père aimant qui veut se révéler à vous comme un Père aimant. Ce n'est pas une divinité qu'on adore, mais c'est un Père qui est Dieu, mais avec qui on établit une relation. Jésus, il est venu nous rendre libres. Libres de nos addictions. Des choses, on a prié tout à l'heure pour ça, des choses qu'on voudrait arrêter de faire. Et dont on n'arrive pas. Il y a une force, ça c'est le mal. C'est plus fort que moi. Je veux arrêter, mais je ne peux pas. On appelle ça des addictions. Jésus est venu nous libérer des addictions. Il est venu nous rendre libres de faire l'expérience et la connaissance de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Jésus, il est venu te rendre libre de changer. Il est venu te rendre libre de la peur. Peut-être qu'il y a des peurs qui t'habitent. Il est venu nous libérer de la peur. Il est aussi venu nous rendre libres d'aimer d'une manière nouvelle. Quand on aime avec l'amour de Dieu, non seulement ça a des répercussions sur nous, mais ça a des répercussions aussi sur les autres. Et il termine cette déclaration en disant, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, Jésus, il nous permet de connaître Dieu, pas simplement comme une divinité, mais comme un père. Et on peut vivre toutes sortes, vous savez, on peut vivre toutes sortes d'expériences spirituelles. On n'a pas besoin de Jésus pour vivre des expériences spirituelles. Il y a toutes sortes de religions. L'occultisme nous permet de vivre des expériences spirituelles. Mais Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux vraiment avoir une relation avec Dieu, c'est la porte, c'est Jésus. C'est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pas ce qu'on te propose ce matin, ce n'est pas des expériences spirituelles, mais c'est une expérience spirituelle avec Dieu, avec ton Créateur. Et alors que tu peux mettre un fond musical et on va prier pour vous et terminer ce culte pour que ce que moi je vous ai rapidement partagé, en partageant mon cœur, ce que moi j'ai expérimenté il y a quelques années maintenant, où j'ai mon opinion à l'égard de Jésus a changé. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté, j'ai rencontré, j'ai établi une relation, non pas avec l'Église, mais avec Jésus. Et vous savez, il y a un texte dans la Bible qui pourrait vraiment bien décrire ce qu'on est en train de vivre maintenant, avant que je prie. C'est Paul qui vient de faire exactement la chose que je viens de faire pour vous. Il vient de parler de Jésus et d'inviter les gens à qui il parlait, les inviter à changer d'opinion concernant Jésus, à ne plus baser leur opinion sur leur éducation, sur leur expérience négative du passé, mais à baser leur opinion sur Jésus, sur la parole de Dieu. Et il y a trois types de réactions. Et avant de prier, j'aimerais vous lire ce passage et vous parler des trois types de réactions qui pourraient être les vôtres ce matin. Acte 17, verset 32 nous dit, lorsque ils entendirent parler de résurrection des morts et donc de Jésus, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux, et quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Trois catégories de personnes. Quand on entend parler de Jésus, on a trois manières de réagir. La première, c'est la moquerie. De dire, mais on t'écoutera une autre fois. C'est bon, on n'a pas besoin de ça. Je peux le comprendre, ce type de réaction, parce que moi, peut-être les 100 premières fois où j'ai entendu parler de Jésus, je me moquais. Moi. J'ai réagi comme ça. J'ai longtemps réagi ainsi en entendant les enseignements sur la foi. Peut-être que ce n'est pas le moment pour vous. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas le moment pour vous ce matin. Il y a une autre réaction. D'autres ont dit, mais je ne suis pas convaincu, mais hey, on veut t'entendre une prochaine fois. Ça veut dire, c'est, hey, moi-même là, ce matin, je ne suis pas convaincu, mais j'aimerais en savoir plus. Si c'est votre cas, je vous encourage à revenir à l'église, à approfondir votre foi, votre connaissance de Jésus. Maintenant, le dimanche matin ici, on a des cultes à partir du 6 janvier, on a des groupes connexions qui vont naître, qui sont des moments en semaine aussi. Mais cheminez, comme moi, j'ai cheminé jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur personnellement. Mais il y a une troisième catégorie de personnes. Certains crurent. Ça, c'est la troisième catégorie. Et peut-être que quelqu'un ici se dit, mais hey, c'est la première fois que j'entends ça. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ça parle vraiment. J'aimerais recevoir Jésus dans ma vie et avoir cette relation avec Dieu. Alors, si vous voulez faire cette expérience avant qu'on passe au buffet et qu'on discute ensemble et qu'on termine ce culte, je vais, comme on l'a déjà fait pendant la louange, j'aimerais juste qu'on ferme nos yeux tous ensemble, comme moi je suis en train de le faire, des choses de très personnelles, et que vous puissiez, comme vous avez pu le comprendre ce matin, la vie avec Dieu, ce n'est pas basé sur la religion, mais sur la relation. Ce n'est pas une pratique de religion, c'est une pratique de relation. C'est comme mon mariage avec Katia. Si je suis en relation, si ça tient, si tous les jours, c'est parce que je suis en relation avec elle. On parle, on échange. Je connais ses secrets, je connais ce qu'elle a sur son cœur. Je sais comment lui faire plaisir. Et bien, avec Dieu, c'est la même chose. C'est une question de relation. Je vais prier pour toi dans quelques instants, non pas pour que tu deviennes chrétien ou chrétienne, non pas pour que tu deviennes un membre de cette église. Mais je vais prier pour toi pour que tu commences en cette nouvelle année une relation avec celui qui a dit de lui-même, je suis le chemin, celui qui peut donner un sens à ta vie. Je suis la vérité et je suis la vie. Et je peux t'aider à développer une relation avec Dieu le Père. Et si tu veux prier avec moi, je t'invite juste dans le... Alors qu'on garde nos têtes penchées, nos yeux fermés, je veux donner à chacun la possibilité de faire une prière sincère. Personne n'est obligé. Mais je voudrais simplement rendre possible à ceux qui désirent de prier dans le silence de leur cœur, de donner, s'ils le désirent, leur vie à Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit maintenant. Alors on peut prier Jésus maintenant. Vous pouvez lui parler.